La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous. Peu d'auteurs incarnent aussi bien la personnalité forcément un peu dédoublée de l'écrivain que ne le font Charles Dodson et son alias Lewis Carroll. Tel le Dr Jekyll se transformant en Mr Hyde, l'austère professeur de mathématiques d'Oxford se changeait en écrivain fantasque et d'une grande liberté quand il écrivait pour les enfants. Sa vie, elle nous a été racontée hier par Laurent Bury au cours d'une émission à retrouver évidemment en podcast. Demain, avec Sophie Marais, nous parlerons psychanalyse et logique chez l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, avant jeudi de nous intéresser davantage à des textes moins connus de l'auteur, au sein desquels s'exprime à plein le genre du nonsense. Je pense à La chasse au snark ou à Sylvie et Bruno. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour parler du rôle de la photo et des illustrations chez Lewis Carroll, nous sommes avec Laurence Gasquet, professeure à l'université Lyon 3 et autrice d'un essai intitulé « Lewis Carroll et la persistance de l'image » publié en 2009 aux presses universitaires de Bordeaux. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Son rapport à la photographie est profondément... lors de la monomanie, collecter des petites filles en gardant leurs prénoms, en faire 33 albums, photographier tout le temps, dans ce laboratoire qu'il instaure au-dessus de son appartement. Et au fond, je crois qu'il y a une obsession terrifiante chez Lewis Carroll, c'est l'idée de ne pas grandir, qu'il n'aurait pas dû grandir. Et toute l'œuvre de Carroll, évidemment, me semble-t-il, d'où l'intérêt de la photographie, c'est une entreprise désespérée pour rattraper la fuite du temps, pour que le temps ne passe pas. Toute l'œuvre de Lewis Carroll photographique est une œuvre sur la durée, ce qu'est profondément la photographie. Et là, ça recoupe une mélancolie que nous avons tous, c'est que le temps passe inévitablement à une vitesse foudroyante. Et bonjour Laurence Gasquet. Bonjour Mathieu. On vient d'entendre l'écrivain Patrick Rogier parler du rapport de Lewis Carroll à la photographie comme une manière de figer le temps. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse ? Cette analyse, oui, j'y souscris. On fige le temps, mais c'est juste dans un album. Donc c'est comme quand on ouvre un livre. Je ne vois pas, si vous voulez, je vois une similarité entre le livre de fiction et l'album photo de Lewis Carroll en particulier, puisqu'on sait qu'il... Il rangeait toutes ses photographies de manière particulièrement méticuleuse dans des albums. Donc Patrick Rogiers nous dit 33, je le crois sur parole, donc 2500 à peu près photos, dont il estimait, si je ne me trompe, qu'à peu près 750 étaient dignes d'être vues par d'autres personnes que lui. Ah d'accord, j'avais vu un chiffre beaucoup plus important, mais donc vous le corrigez, on en parlait hier déjà au cours de l'émission. Donc c'est un livre d'images alors finalement que constitue Lewis Carroll ? Oui, je pense que ce sont des livres d'images. Je pense que, vous voyez, si je devais faire une comparaison, je dirais que ces albums photos sont des livres de fiction. Donc effectivement, on arrête le temps, on s'y penche. Des livres de fiction. Des livres de fiction, oui. Parce que ce qu'il met en scène... Pas des romans photos quand même. Peut-être des romans photos. Je parle de fiction parce que beaucoup de ces photographies ne sont pas des portraits classiques. En fait, il donne dans le genre du tableau vivant, il aime mettre en scène les gens qu'il fait poser pour lui, qui ne sont pas que des petites filles, peut-être, il faut que je précise cela. Je crois que mon collègue Laurent Bury l'a bien précisé hier, mais j'ai regardé hier dans mes archives, etc., pour ne pas vous dire de bêtises, et je pense que la moitié des photos qu'il prend sont celles d'enfants, mais l'autre moitié, c'est bel et bien des adultes et des hommes, et des petits garçons, hein, donc voilà. Alors, quelle est l'importance finalement de la photographie dans l'œuvre de Lewis Carroll? Est-ce que c'est annexe, ou est-ce qu'il y a une volonté de faire œuvre? Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de faire œuvre, mais d'abord, je pense qu'il n'y a pas de volonté de faire œuvre chez lui en général. Puisqu'on a vu que les Alice, au départ, elles devaient rester dans un cercle fermé. Elles ne se sont retrouvées publiées que parce que beaucoup de gens lui ont demandé de publier ce texte, en fait, qui était au départ un récit oral et ne devait pas être écrit. Donc c'est sous la pression qu'il a rendu ses textes publics. Donc je pense que Dodgson ne s'envisageait pas comme un auteur. Il était auteur de pamphlets et d'ouvrages euclidiens sous son propre nom. Tout ce qui était sous le nom de Lewis Carroll était différent, je pense. Mais pourtant, pardonnez-moi, oui, on a l'impression de photographie d'art. Oui. Quel est le genre au fond de ces photographies? Ce qui est très frappant, c'est que la majorité de ces photographies sont des portraits. Donc ça, c'est quand même très frappant. Des portraits très mis en scène. Voilà, mis en scène. Très mis en scène, il y en a qui sont très mis en scène, il y en a d'autres qui sont plus classiques. Mais je dirais que oui, ce qui est frappant, c'est d'abord le rôle du portrait. Il a choisi les portraits. C'était quelque chose qui lui plaisait. Alors après, il y avait une dimension chez lui, on appelait ça, en anglais, on appelle ça un lionizer. C'est-à-dire, il était très fan de célébrités. Il aimait aller demander aux gens célèbres, des écrivains, des poètes, des artistes en général, la permission de prendre des photos d'eux. Et il s'agit de saisir une personnalité, il s'agit au contraire de faire une composition autour d'un portrait. Quel est le but? Alors, je dirais qu'il s'agit de saisir une personnalité. J'ai essayé de me pencher justement sur cet aspect de la composition qui n'avait pas été étudié par la critique. Jamais, en fait. La critique s'était focalisée sur la personnalité des gens photographiés et ce que ces personnalités avaient de spécifique. Mais en fait, oui, je pense qu'il y a une recherche de composition qui est très intéressante et originale chez Carroll. Alors, on va revenir sur la composition, mais sur la personnalité, est-ce que vous voyez, par exemple, dans les portraits d'Alice, Alice en mendiante, Alice en petite fille riche, est-ce qu'on voit la personnalité de cette petite fille, ou est-ce qu'on voit plutôt ce que Lewis Carroll voulait y voir? Je dirais qu'on voit plutôt peut-être ce que Lewis Carroll voulait y voir. Alors vous citez ces deux portraits, donc je vais revenir dessus brièvement. Alice en mendiante, qui a fait beaucoup couler d'encre, puisque c'est un portrait sur lequel la critique s'est focalisée pendant de nombreuses années pour montrer que Lewis Carroll devait avoir des penchants plutôt néfastes vers les enfants, etc., en disant « mais regardez cette petite Alice, comme elle est dénudée, comme c'est scandaleux, comme c'est abominable ». Comme elle regarde aussi par en dessous l'objectif voilà, d'une façon qui n'est provocante, pas subjective, pas suggestive, parce qu'il s'agit d'une enfant, donc elle n'a pas conscience de sa pose, mais qui peut l'être pour le regardeur. Voilà, donc cette photographie, elle a été isolée. En fait, c'est un cas intéressant parce que la critique l'a isolée et l'a prise, si vous voulez, comme preuve de ce qu'elle voulait voir dans les photos de Lewis Carroll. Et en fait, il y a quelques années, on a découvert que cette photographie faisait partie d'un diptyque donc l'autre partie du diptyque représente Alice, mais habillée cette fois, très habillée et de façon riche. Donc au même endroit. Voilà, même position, même endroit. Donc c'était quelque chose de très classique à l'époque victorienne, donc on avait les deux aspects en fait d'une même personne, donc voilà, tout comme par exemple dans les dioramas on avait l'hiver, l'été, et bien là on avait la petite fille riche et la petite fille pauvre. Donc je pense que là encore, vous voyez, il y a un exemple de mise en contexte absolument nécessaire pour bien saisir l'essence de ces photos et leur signification à l'époque. Est-ce que c'est totalement anachronique de dire qu'il y a une composition qui pourrait faire penser à ce que ce serait après la photographie de mode, et en particulier peut-être sur ces deux photos d'Alice qui pourraient faire penser à la manière dont on prendra ensuite les enfants en photo, dans des magazines par exemple. Oui, non, je pense que c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Oui, oui, tout à fait. Je pense aussi aux autres photos d'enfants qu'il fait se déguiser et prendre des poses qui ont effectivement un lien, oui, oui, qui ont à voir avec cela. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est dans l'imaginaire avec ces photos ou est-ce qu'il y a une volonté de réalisme ? Dans ces photos-là, en particulier, si vous me parlez de celle-là, je pense qu'on est dans l'imaginaire. On est dans l'imaginaire, dans ce que Carol voulait y voir et dans son univers à lui. Son univers qu'on pourrait décrire comme fantasmatique, oui, tout à fait. Donc c'est un fantasme pris en photo, c'est un fantasme sur le papier. Je pense qu'on peut dire ça. Oui. Alors, ce qui est intéressant peut-être aussi à noter, c'est que on n'est pas dans le stéréotype du tout. Ce ne sont pas des petites filles stéréotypées qui sont prises en photo par Lewis Carroll. Le stéréotype, je dirais, il est ailleurs, il est dans la mise en, il est dans le personnage peut-être choisi par Carol. Mais ces petites filles, effectivement, elles sont toutes assez typées pour pour donner à ce stéréotype du chien, je dirais, comme on dit en français. C'est-à-dire que ces petites filles, justement, il prend bien soin de ne pas suraccessoiriser. Par exemple, comme un autre photographe de la même époque, Henry Peach Robinson, qui lui mettait en scène de façon tellement complexe, compliquée. Vous voyez, par exemple, il va rajouter des accessoires à foison dans sa photo, etc. On va aboutir à quelque chose d'empesé, d'artificiel. Ici, Carol, il choisit à chaque fois juste quelques accessoires. Donc, je pense qu'il arrive à ce que la personnalité de ces modèles ressorte, même si elles sont dans un stéréotype. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Lewis Carroll et l'image avec vous, Laurence Gasquet. Alors, évidemment, les œuvres des artistes représentent leur personnalité et les photos de Lewis Carroll représentent une manière de voir qu'il avait. Vous soulignez, par exemple, un certain nombre de caractères qui peuvent faire penser à qui il était. On peut les prendre les uns après les autres, mais tous vont vers une espèce d'épure. Il y a quelque chose de l'ordre de la pureté qu'on retrouve dans les photographies de Lewis Carroll, Laurence Gasquet. Oui, une épure, je dirais peut-être une géométrisation de l'espace. C'est-à-dire qu'en regardant ces centaines de photos, je me suis rendu compte que très souvent, il y avait des lignes très fortes qui sont normalement, à cette époque, évitées, je dirais, par ses collègues. Et lui, au contraire, il s'en sert. Donc ceci, je l'ai rapproché, si vous voulez, de sa carrière de mathématicien, spécialiste de la géométrie euclidienne et des lignes, en fait, de la géométrie. De la symétrie. Voilà, de la symétrie, de la géométrie. Et je pense qu'il y avait chez lui ce sens aigu, justement, de ce que vous appelez l'épure, d'une certaine géométrisation. Et j'ai essayé de montrer comment cette géométrisation se retrouvait très souvent dans son œuvre et pouvait constituer une sorte d'aide à la pensée. Voilà. Mais dans ces photos, vous voyez, on voit des fenêtres, on voit des quadrillages, on voit des triangles, on voit des lignes obliques qui coupent la photo de façon extrêmement brutale, je dirais, et totalement inhabituelle. C'est-à-dire, normalement, on ne met pas une petite fille avec un bâton vertical en plein milieu de la photo. On va, au contraire, éloigner tout ça, faire quelque chose de flou, de doux. Et Carol a toujours des lignes très, très présentes. Est-ce que c'est une facilité de dire que ça reflète une forme de rigidité ? Une facilité, non. Je pense que ça reflète une forme de rigidité. Moi, je le vois plutôt comme un appui, si vous voulez, structurel, que je retrouve dans son œuvre littéraire également. Par exemple ? dans l'œuvre littéraire. Alors, dans son œuvre littéraire, il y a beaucoup d'exemples où il se sert de figures mathématiques, de figures géométriques pour essayer de faire comprendre des choses, par exemple. Donc, il se sert du schéma, en fait, de l'abstraction, de l'épure, hein, ce que vous appeliez l'épure. Et je pense qu'on va ici, on trouve une caractéristique qui est partout dans son œuvre, qu'elle soit littéraire et visuelle, qui est le renforcement de la structure, en fait. Donc la structure est chez Carol très, très prégnante, voire exclusive. Et je pense que c'est une caractéristique très importante. Alors, on a toujours tendance à psychologiser ce pauvre Lewis Carroll. Il y a des gens qui ont parlé à ce sujet de géométrisme morbide. Qu'est-ce que c'est que le géométrisme morbide ? C'est un géométrisme qui serait tellement envahissante qu'elle en deviendrait maladive. Alors on peut trouver ça, faudra demander ça au professeur Le Serle quand il va venir vous parler de Sylvian Bruno dans deux jours, parce que je crois qu'il y a des choses à dire là-dessus. Sylvian et Bruno, des fois effectivement il y a des passages où la géométrisation de l'espace est un peu outrée, hein. Par exemple il y a le professeur sphérique, etc. Mais c'est très intéressant. Oui, parce que apparemment les gens qui sont atteints de cette maladie imagine que la plus belle des formes pour une personne, c'est une personne totalement ronde. Sphérique, voilà, oui. Tout à fait. Donc il y a pas mal de choses comme ça chez aussi loin que cela. Voilà. Vous parlez aussi de littéralité du visuel. Alors ça va, j'imagine, avec la question de la clarté. Ce qui est montré, c'est montré littéralement, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on observe chez Carol, notamment dans les Alice, mais également ailleurs, un souci d'éviter la métaphore, donc d'éviter en fait la polysémie. Donc Carol rêve d'un monde, si vous voulez, où tout serait... Un monde clair, où chaque signifiant aurait un signifié et un seul, où l'équivocité, l'équivoque n'existerait pas, et donc son œuvre est une entreprise pour éliminer, si vous voulez, tout ce qui fait confusion. Tout ce qui, en fait, ce qu'il fait dans les Alice, et c'est pour ça que les Alice sont si contemporaines et si fascinantes, c'est qu'il nous dit qu'on parle mal, parce que nous choisissons des mots qui sont équivoques, parce que il y a trop de sens, parce que quand il y a trop de sens, il y a nécessairement confusion. Donc lui, il élimine, il va aller vers ce rêve de pureté totale entre un signifiant, un seul signifiant, un seul signifié. Et donc ce serait par exemple le symbole mathématique. Et donc en écrivant le contraire, en montrant par l'inverse ce que serait un langage complètement transparent. Parce que, et ça encore on le verra jeudi, la chasse au snark par exemple, ça n'est pas du tout transparent. Sylvie et Bruno, c'est à peu près incompréhensible. Donc on est dans l'inverse finalement de la pureté entre le langage et le sens. Alors oui, je suis d'accord, hein, Sylvie et Bruno, c'est très difficile. On est à trois niveaux de réalité dans l'histoire, dans la diégèse. C'est extrêmement complexe. C'est tellement complexe qu'il a mis un tableau lui-même en préface pour que son lecteur sache où il est. On pourrait dire qu'on retrouve cette complexité dans les Alice, simplement on ne s'en rend pas compte parce que les Alice possèdent cette légèreté qui est incomparable, ce naturel, cette magie de la fluidité. Mais rappelons quand même qu'il y a une partie d'échec dans le deuxième tome. Il faut rappeler déjà qu'il y a deux Alice, voilà, hein, c'est pour ça que vous dites les Alice. Oui, pardon, j'ai dit les Alice parce que les Alice sont des jumeaux, hein, donc il y a deux volumes jumeaux. La première, la trame, c'est une partie au pays de cartes. Des merveilles. Voilà, c'est une partie de cartes. Et la seconde, le second volume, la trame, c'est une partie d'échecs. Et on oublie complètement cela, évidemment, quand on suit la narration. Mais la partie d'échecs est bien en préface, avant les poèmes liminaires, pour qu'on puisse se repérer dans les Alice. Alice commençait à en avoir assez de rester là, assise à côté de sa sœur, sur le talus, sans rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait celle-ci. Pas d'image, pas de conversation. À quoi ça rime un livre sans image où les gens ne disent rien ? Aussi, se demandait-elle en son fort intérieur, du moins, essayait-elle de son mieux, car la chaleur l'assoupissait et elle se sentait toute bête. Si le plaisir de confectionner une guirlande de pâquerettes vaudrait la peine de se lever et d'aller les cueillir. Lorsque, soudain, passa en courant auprès d'elle un lapin blanc aux yeux roses. Oh, mes aïeux, je vais être en retard. Rien de particulièrement remarquable à cela. Et Alice n'y trouva rien de spécialement bizarre. Mais lorsqu'elle vit le lapin bel et bien sortir une montre de la poche de son gilet pour regarder l'heure, il lui vint à l'esprit qu'elle n'avait jamais vu de lapin porter de gilet avec une poche, ni possédant une montre qu'il pût en sortir. Aussi, dévorée de curiosité, se dressa-t-elle d'un bond, et elle lui courut après dans le pré, le rattrapant juste à temps pour le voir s'engouffrer dans un terrier largement ouvert sous la haie. Sans hésitation, Alice le suivit aussitôt, oubliant de se demander comment elle allait bien pouvoir sortir de là. La compagnie des auteurs avec le début d'Alice au Pays des Merveilles, lu par Michel Bouquet. Il est tout de suite fait mention, Laurence Gasquet, de une image, puisque Alice finalement dit que sans les images, le livre n'a pas d'intérêt. Preuve quand même, s'il en était besoin, du fait que chez Lewis Carroll, il n'y a pas que les photos, mais il y a l'image dans toutes ses acceptions qui compte. Oui, tout à fait, Mathieu. L'image est fondamentale. Elle est tellement fondamentale que Lewis Carroll décide de supprimer un chapitre des Alice qui s'appelait The Wasp in a Wig, qui a été traduit par Le Frelon en perruquet. Il supprime ce chapitre parce que John Tanniel, son dessinateur, son illustrateur, ne voit pas trop comment illustrer de manière satisfaisante. Ça l'intéresse pas tellement non plus hein, comme chapitre. Voilà. Donc Tanniel lui envoie une lettre en lui disant « Bon, je suis embêté, je ne sais pas comment illustrer ce passage. » Et Lewis Carroll, voyant que ça prend une tournure qui lui déplaît, eh bien, il dit « Je supprime ce chapitre. » Ce qui est quand même le signe que l'illustration chez Carroll, je dirais, primait ou était aussi importante que le texte. À tel point qu'il a commencé d'abord par faire lui-même les dessins, et puis on lui a dit « peut-être que c'est pas si bien que ça, faudrait faire appel à un professionnel ». Voilà, alors il était convaincu qu'il était très très mauvais en dessin, hein, il le disait, mais je pense que ce qui l'embêtait c'est travailler avec quelqu'un d'autre. Donc il était un petit peu réticent pour ça. En revanche, il n'avait pas d'illusion hein, quant à ses qualités de dessinateur. Il disait « je suis un piètre dessinateur ». Mais vous voyez, voilà. Donc il s'est fâché plusieurs fois avec ses illustrateurs, hein, qui sont quand même brillants dans l'ensemble. Il s'est fâché gravement, quelques fois. C'était très très difficile pour eux de travailler avec Carroll. Il était extrêmement méticuleux. Il était plus que méticuleux. Il était, je dirais, pénible. Hein, apparemment, il regardait chaque dessin avec une loupe, il faisait des quadrillages, il comptait le nombre de hachures au centimètre carré pour voir si ça correspondait à ce que les graveurs pouvaient faire, etc. Puisqu'il y avait des problèmes techniques à respecter, des conditions techniques. Donc c'était difficile de travailler avec lui, apparemment. Alors, est-ce que ces illustrations, et notamment celles de Tanniel, ont influencé la réception et la compréhension de ses œuvres, selon vous, Laurence Gasquet? Oui, je pense que les illustrations de Tanniel ont influencé de façon remarquable la réception des Alice, qui a donc surpris Lewis Carroll, hein, rappelons-le. Il pensait que les Alice n'allaient intéresser personne. Il était loin de se douter du succès qu'il allait avoir. Et les illustrations de Tanniel ont influencé les gens, puisque en fait, quand on étudie l'œuvre de Tanniel, on s'aperçoit qu'il a repris des personnages avec lesquels il travaillait de façon hebdomadaire dans Punch. Hein. Donc il travaillait pour Punch, qui était un journal satirique extrêmement connu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens, quand ils ont acheté Alice, eh bien, au fil des pages, hein, ils ont retrouvé un monde qui leur était familier. Et je pense que c'était extrêmement important. Ça fait écho également au texte où on retrouve l'hypertexte, hein, c'est-à-dire les textes inclus dans le texte de Carroll sont légion. Donc on va de la haute littérature aux nursery rhymes, aux comptines pour enfants, aux poèmes à la mode, aux poèmes plus anciens, à Shakespeare, à tout un tas de références que les lecteurs finalement retrouvaient sans doute avec passion. C'était un jeu de reconnaissance de ces références. Mais comment se complète, parce que dans l'esprit de Lewis Carroll, il y avait beaucoup cette idée de la complémentarité entre le texte et l'image. Comment se complètent justement ces deux aspects de la même histoire? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était si méticuleux sur la manière dont les images étaient faites. Oui, alors chaque image avait une place et une seule. Alors de nos jours, il n'y a qu'une seule édition qui respecte la place originelle des images, qui est donc un vrai facsimilé de l'édition Macmillan de 1865. Donc chaque image avait une place, il avait un cahier dans lequel il notait tout ça. La taille des images était décidée par lui, la place exacte de chaque image était décidée. Pour vous donner un exemple, chaque mot devait être placé à une certaine distance de l'illustration qui l'accompagnait. Donc je pense... voilà, on peut donner l'exemple de l'Alice télescopique, donc Alice avec un grand cou hein, qui voit son corps grandir. Donc en face de sa bouche, hein, il y a les guillemets et les mots qu'elle prononce, c'est-à-dire de plus en plus curieux, enfin curiouser and curiouser en anglais. Et en face de ses pieds, il y a le mot feet, donc le mot pied. Donc chaque, on peut vraiment dire que le travail de mise en page n'a pas d'équivalent. À cette époque, c'est inconnu. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Laurence Gasquet. Mais pour l'heure, c'est le moment de la chronique de Jérôme Dupuis. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jérôme Dupuis du magazine L'Express. Bonjour Jérôme. Bonjour Mathieu. Vous venez nous parler aujourd'hui d'un livre qui paraît à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de Boris Vian. Absolument. Boris Vian, qui était d'ailleurs un grand admirateur de Lewis Carroll. On le sait, Boris Vian a toujours dit « je n'atteindrai pas les 40 ans ». Il a malheureusement tenu parole puisqu'il est mort à 39 ans lors d'une projection de « J'irai cracher sur vos tombes ». C'était le 23 juin 1959. On fête donc cette année le 60e anniversaire de sa mort. Et effectivement, un livre très original paraît ces jours-ci aux éditions du Cendre. On le doit à deux spécialistes des libraires d'anciens, Christelle Gonzalo et François Roulman, qui sont de grands collectionneurs aussi des archives de Boris Vian et qui avaient participé à l'élaboration des œuvres romanesques de Boris Vian à la bibliothèque de la Pléiade. Le titre de leur livre, Anatomie du bison, pourra peut-être étonner nos auditeurs. Il faut se souvenir que lors de ses premiers articles dans la presse, Boris Vian avait forgé un pseudonyme qui est l'anagramme de son nom et qui était Bison Ravi. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier cet ouvrage sur Boris Vian, Jérôme ? Alors il s'agit, je cite, d'une chrono-bio-bibliographie, parce qu'évidemment les spécialistes de Vian ne font jamais comme les autres, et ça consiste en réalité à suivre Boris Vian au jour le jour, littéralement, avec les dates et les occupations de toutes ces journées sur la gauche, et à droite, une page d'iconographie, souvent rare ou inédite, qui illustre ce propos. Et on se rend compte évidemment que les jours, et je dirais surtout les nuits de Boris Vian étaient bien remplies, parce qu'entre les concerts de jazz en Belgique, les nuits arrosées au tabou, les romans à écrire, les traductions de la série noire à rendre, les fêtes arrosées, les articles pour le Canard enchaîné, effectivement, il n'avait pas une minute à lui. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ont eu accès aux agendas de Michel Vian, l'épouse de Boris Vian. Donc, ils ont vraiment pu reconstituer ça au millimètre. Ils ont eu accès à leur correspondance. Et donc, on a aussi des extraits de correspondance qui parsèment le texte et qui sont souvent très, très savoureux. Et l'iconographie, comme je vous le disais, est souvent inédite. Donc, on voit des maquettes de J'irai cracher sur vos tombes dessinées par Vian lui-même ou des photographies très, très rares qui étaient parues dans la presse des années 50. Alors, du coup, est-ce qu'on découvre des choses nouvelles sur l'auteur de la Java des bombes atomiques? Oui, beaucoup, évidemment. On apprend par exemple que c'est lui, je l'ignorais, qui avait dirigé la séance d'enregistrement avec Miles Davis de la musique d'Ascenseur pour l'échafaud, le film de Louis Malle. On apprend que L'écume des jours, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a été un énorme flop de librairie, qui s'en est vendu à peine 4000 exemplaires entre sa sortie en 1947 et le début des années 60. Et on apprend aussi que, outre le fait qu'il était musicien, écrivain, traducteur, etc., etc., Boris Vian était aussi peintre et qu'il avait fait un certain nombre de tableaux de science-fiction un peu à la Dali, dont l'un d'ailleurs est très rare et reproduit dans ce volume. Alors du coup, quelle image finalement ressort de Boris Vian à l'issue de cette exploration chronologique ? Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en réalité, ce gros livre et toutes ces choses qu'on y voit apparaître ne recouvrent qu'une très brève période, c'est 15 ans. C'est la fin de la guerre, 1945, jusqu'à la mort de Boris Vian en 59. Donc c'est incroyable tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi aussi. Un peu comme si, sachant cette mort qui planait pour des raisons de santé sur lui, il avait voulu vivre avec une intensité totalement décuplée. Et puis on sent aussi très bien à travers ces pages l'appétit de vivre qu'avaient les gens qui, au sortir de la guerre, avaient 25 ans. Et je dois dire que c'est très rafraîchissant de lire ça en 2019, parce qu'on est dans une espèce de leçon d'insouciance qui est un peu loin, je dirais, de la France crispée d'aujourd'hui. Anatomie du bison, chrono, bio, bibliographie de Boris Vian par Christelle Gonzalo et François Roulman, c'est aux éditions des Cendres. Merci beaucoup, Jérôme Dupuis du magazine L'Express. À bientôt. Compagnie des auteurs sur France Culture, au deuxième jour de notre série consacrée à Lewis Carroll, dont il ne faut pas oublier le rapport très fort avec l'image. C'est le sujet de notre émission du jour. Alors ça, le thème du miroir, je crois que tous les artistes au fond sont des inadaptés. Et le thème du miroir est extrêmement fascinant, car le miroir nous présente une image du monde qui a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une image du monde qui ressemble beaucoup au monde même, à la réalité. Mais tout de même, premièrement, nous y sommes présents, alors que dans le monde, nous ne sommes pas présents. Deuxièmement, c'est un monde inaccessible, ce qui est contradictoire par rapport au numéro 1. Et troisièmement, c'est un monde inversé. Tout ça est extrêmement fascinant. Et alors, si vous... On pourrait faire une histoire du miroir dans la littérature et la mythologie. Ça commence avec Narcisse qui se regardait dans un miroir. Et puis ça continue. Vous savez que Léonard de Vinci a écrit tous ses carnets dans un miroir. Donc, ou plus exactement, il l'a écrit de telle façon que pour les lire, il faut les mettre devant un miroir pour les déchiffrer. Et il y a Lewis Carroll. Il y a Cocteau. Pour entrer dans le monde irréel, dans le monde de la mort, dans le monde de l'au-delà, il faut passer à travers un miroir. Vous voyez que tout ça est extrêmement fondamental. Et là, on retrouve encore ce que je vous disais tout à l'heure. Cette histoire de derrière le miroir est un peu folle, mais elle plonge des racines extrêmement profondes dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif de l'humanité, ce qui explique la valeur et le succès de Lewis Carroll. L'écrivain Michel Tournier, interrogé par Céline Minard en 1971. Alors Laurence Gasquet, ce rapport à l'image, est-ce qu'il n'est pas aussi lié justement au thème du miroir, tellement présent chez Lewis Carroll ? Si, bien sûr, le miroir, figure centrale du deuxième Alice, tellement centrale qu'il va faire deux illustrations recto-verso qui se superposent exactement. Donc, si on regarde ces deux illustrations, enfin, sept pages, donc avec ces deux illustrations, si on la met par transparence contre une vitre, par exemple, eh bien, on ne voit qu'une seule Alice, hein, le mot, on tourne la page au mot à travers, hein, through en anglais. On a aussi bien sûr le Jabberwocky, qui est le poème qui apparaît pour la première fois en écriture inversée. Donc Michel Tournier parlait de Léonard de Vinci qui était ambidextre et qui écrivait effectivement à l'envers. Eh bien, effectivement, on a ça aussi dans les Alice. Lewis Carroll était gaucher, lui seulement. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit Alice, puisqu'on peut penser que Alice est fait pour être lu à un enfant, eh bien, au moment où on arrive au poème du miroir, on s'interrompt parce qu'on est incapable de lire un poème à l'envers. Donc c'est le moment où le langage achoppe. Vous voyez, l'oral, il s'arrête. On s'arrête net et on a besoin de revenir à l'illustration. Donc on va montrer à l'enfant le poème à l'envers. On ne peut pas le lire. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que l'illustration, là, l'image, elle arrive. Hein. Et vous savez, une des grandes questions que les Alice posent, c'est où commence l'image, où commence le texte, où s'arrête l'image, où s'arrête le texte. Le calligramme étant le rêve parfait de cela, puisque c'est un texte image. Il est les deux à la fois et en même temps, exactement sur la page. Et d'ailleurs, lui-même dessinait comme un calligramme, mettait en page ses textes. Oui, on a retrouvé une version du calligramme où il avait collé des petites bandelettes aussi parfaitement qu'il le pouvait pour faire ce calligramme. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie du rapport justement à l'écriture en tant que signe, en tant que dessin chez Lewis Carroll ? Alors, il a toujours cette interrogation, hein, vraiment, de savoir. C'est une caractéristique fondamentale des Alice, c'est-à-dire. On peut penser avant lui à Laurence Sterne, hein, avec Tristram Shandy, où vous savez, les lignes, le texte devenait graphique. Et je crois que Lewis Carroll est le deuxième à avoir fait cela. Et vraiment, on sent cette préoccupation, je dirais, à toutes les pages d'Alice. Donc, c'est autant le signe que le dessin qui compte, alors. Oui, et on sent ça aussi dans son manuscrit, hein, dans le manuscrit Les Aventures d'Alice sous terre, où des majuscules arrivent dans le texte, des graphies. Il essaie d'éviter certaines graphies. Son écriture à lui devient plastique, malléable. On sent ça toujours chez lui, toujours, je dirais. Depuis ses écrits de petit garçon, hein, puisqu'il écrivait des magazines pour sa famille. Hein, d'abord, il faisait des petits magazines qui était destiné au cercle familial, ceci est présent de façon absolument constante. Tout à l'heure, vous parliez de la clarté, de la limpidité. Est-ce qu'il y a cette volonté-là aussi dans le fait de vraiment dessiner, de mettre en page? Est-ce qu'il y a un souci de rendre clair, de rendre explicite, de rendre beau aussi? Parce que la beauté, c'est la recherche constante de Lewis Carroll. C'est tout cela à la fois. Oui, c'est tout cela à la fois, la beauté, la simplicité, ce rêve de la motivation du signe, hein, si vous voulez, un signe pour un seul, un seul référent, une seule signification. Donc on a effectivement ce rêve d'exhaustivité, de pureté, qui est un fantasme, puisque dans la réalité, ça n'existe pas, hein. On est toujours à se mélanger. Les créatures d'Alice, elles n'arrêtent pas de dire à Alice, mais attention à ce que tu dis n'importe quoi, Alice. Les mots que tu emploies ne sont pas les bons. Il y a équivocité, et c'est violent. Et Alice, elle se laisse pas faire, hein. Alice, elle a du caractère. Elle leur dit, mais au début, elle a très peur, et puis au fur et à mesure, elle se rend compte que, elle a qu'à répondre, et puis finalement, ça se passe bien. Mais, donc on a constamment ceci, oui. C'est violent? Qu'est-ce qui est violent? C'est violent parce que toutes les créatures du Pays des Merveilles et du miroir, sauf une, c'est-à-dire le cavalier blanc. C'est-à-dire, on pense que le cavalier blanc, c'était Lewis Carroll, hein, que c'était une mise en scène de sa propre personne. À part lui, toutes les créatures sont violentes avec Alice. Elles n'arrêtent pas de lui reprocher justement de ne pas être assez en phase avec ce qu'elle dit, de ne pas bien choisir ses mots, de jouer sur l'équivocité de ses termes. Donc à part lui, et il est tellement important qu'il occupe un frontispice. Hein. Vous savez, il y a les deux plus grandes illustrations, ce sont les frontispices. Donc au début d'Alice au Pays des Merveilles, au début d'Alice à travers le miroir. Et ces frontispices sont évidemment très importants, puisque c'est l'illustration que Carroll a choisi de mettre en exergue, c'est la plus importante pour lui. Et c'est intéressant de voir que pour le miroir, c'est le cavalier blanc, avec tous ces objets que l'on retrouve à tous les chapitres. Hein. C'est une énumération en fait, de tous les chapitres qui tiennent en cette image. Donc Alice se construit en tant qu'enfant contre cette violence. Oui, je dirais qu'Alice apprend à devenir une adulte en se construisant en répondant justement et en trouvant de plus en plus d'assurance envers toutes ces créatures qui n'arrêtent pas de lui chercher querelle. Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la calligraphie et on pense inévitablement aux poètes qui viendront bien plus tard, pourquoi pas à Apollinaire et pourquoi pas même aux surréalistes. Est-ce qu'on peut faire ce lien ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'est pas hérétique de le faire. Je pense même que Lewis Carroll avait l'inspiration principale, par exemple, des surréalistes. Ils reprennent des techniques qui sont présentes dans les Alice. Ils sont influencés par Carroll. Hein. André Breton disait que Lewis Carroll était son maître d'école buissonnière. Dali adorait Carroll. On retrouve, bien sûr, dans leur création plastique, donc ces mélanges entre des créatures hétéroclites, un goût pour l'hétérogène, etc. On a ça à chaque page d'Alice. Donc oui, je dirais que Carroll était une grande, grande inspiration. Il crut voir un éléphant qui s'appliquait à jouer du fifre. Regardant à deux fois, il comprit que c'était une lettre de son épouse. « Maintenant, je conçois, dit-il, toute l'amertume de la vie. » Il crut apercevoir un buffle qui trônait sur sa cheminée. Regardant à deux fois, il comprit que c'était la nièce de son beau-frère. « Ça, hors d'ici, s'écria-t-il, ou j'envoie chercher la police. » Il crut voir un serpent à sonnette qui lui posait des questions en grec. Regardant à nouveau, il comprit que c'était le milieu de l'autre semaine. « Je n'ai qu'un regret, pensa-t-il, c'est qu'il n'ait don de la parole. » Il crut voir un employé de banque qui descendait de l'autobus. Regardant à deux fois, il comprit que c'était simplement un hippopotame. « Si l'animal reste à dîner, nous n'aurons plus rien à manger. » Il crut voir un kangourou en train de moudre du café. Regardant à deux fois, il comprit que c'était une pilule de légumes. « Si je devais avaler ça, sûr, je ne m'en remettrais pas. » Un extrait de Sylvie et Bruno, lu par Pascal Mazzotti, et dans lequel le champ lexical de la vision qui trompe même énormément, pourrait-on dire, est omniprésent. Laurence Gasquet, qu'est-ce que vous y voyez ? Alors, j'y vois un trait récurrent chez Carroll, qui est la confusion entre la forme et la fonction. C'est-à-dire, les personnages se servent d'objets. Je pense par exemple à Alice avec les maillets qui sont des flamants et les boules qui sont des hérissons, etc. Donc, les Alice, on a constamment cet accent mis sur la forme des choses et la similitude entre des formes possibles, d'où la confusion. Donc tout à l'heure, vous voyez, on parlait de signes qui étaient parfois embêtants parce que qui encouragent la confusion. Et dans ces objets, eh bien justement, on retrouve cela, et ça devient évidemment leur valeur poétique ressurgit, bien sûr, puisque on s'émerveille de voir que bah oui, un flamant rose, c'est un très bon maillet finalement. Et la poésie d'ailleurs. Chez lui est oui. Très souvent visuelle. Oui, je dirais qu'elle est très souvent visuelle. Donc, vous voyez, on ne peut pas empêcher le langage d'être polysémique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas empêcher les formes de nous évoquer d'autres formes. Lewis Carroll, il essaye toujours de tout régimenter, contrôler, de faire en sorte qu'il y ait une place pour chaque chose. Mais en fait, ce n'est pas possible parce que l'imagination, parce que les règles, plus on en met, et plus finalement la valeur poétique ressurgit. Et finalement, il ne s'autorisait cela peut-être qu'avec des enfants. Sa littérature lui échappe totalement d'une certaine manière, parce qu'il écrit pour des enfants. Oui, peut-être, bien sûr. Donc on voit, oui, tout à fait, on voit cette tentative désespérée de canaliser le sens, de tout contrôler. Mais vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que paradoxalement, la valeur poétique de ses écrits, eh bien, elle est tellement forte que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en train d'en parler plus d'un siècle après, bien sûr. Il faut dire merci à la petite Alice Liddell qui a rendu cela possible. Alors l'image, elle est primordiale. On n'arrête pas de le comprendre depuis le début de cette cette émission avec vous, Laurence Gasquet, chez Lewis Carroll. Mais l'image, c'est aussi la description, c'est aussi l'image dans le texte. Or, Lewis Carroll n'aimait pas tellement les descriptions. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais probablement en partie parce que la description ralentit et complexifie finalement la lecture. Oui, la description, il y en a très peu chez lui. Et il laisse à ses illustrateurs le soin d'ancrer les Alice dans l'imaginaire collectif. Je pense que c'est quelque chose auquel on ne c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on lit, mais le succès des Alice repose sans doute sur le fait que nous avons tous dans notre tête une représentation d'Alice, c'est-à-dire Alice, c'est une héroïne qui existe, qui a des traits. Et je pense qu'il est intéressant de voir que ce n'est pas du tout le cas de beaucoup d'autres personnages dans la littérature. La majorité des personnages littéraires n'ont pas de traits. Mais ces traits-là, ils n'appartiennent pas en propre à Lewis Carroll, parce qu'il n'y a pas de description d'Alice, quasiment pas. Ils appartiennent à Tenniel. C'est Tenniel qui a ancré Alice dans cet imaginaire. Et il est intéressant de constater que parmi les myriades d'illustrations qui ont succédé, qui ont été présentées par des illustrateurs divers et très talentueux, eh bien, très très souvent, je dirais à 18% du temps, eh bien, ils reprennent les caractéristiques de Tenniel. Y compris les Walt Disney, y compris les films. Même Walt Disney, ouais, je pense qu'on peut dire. Alice, c'est l'Alice de Tenniel. Il y a peut-être deux éditions où il y a une petite Alice brune, une vraie brunette comme Alice Liddell. Sinon, ça reste la robe, les cheveux longs, le tablier, les petites chaussures, les petites chaussettes. C'est pareil. Donc, cette Alice-là, elle est éternelle. Donc il y a une espèce de modestie finalement chez Lewis Carroll, narrateur, qui laisse aux autres, alors le fait-il sciemment ou pas, le soin d'incarner vraiment ces personnages. Oui, sans doute. On pourrait dire une modestie. On pourrait aussi dire peut-être que c'est un souhait justement de contrôler. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une Alice devant vos yeux, eh bien cette Alice, elle reste. Hein. Vous pouvez pas imposer votre propre Alice à votre imagination. C'est Alice blonde avec sa petite robe, avec son petit tablier, et c'en est pas une autre. Donc à la fois c'est une modestie et à la fois c'est un geste d'ancrage extrêmement puissant et qui n'a jamais été subverti depuis ce temps-là. Sous prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal. Au lieu de ça, Alice trébuchait ses talons. Elle passa au milieu de la surprise dans le salon. Son humeur prit la taille d'un melon. Gênée, le museau collé derrière la vitre, se prépare le départ de météorites d'un lapin qui se sent comme l'âne batté. Après avoir offert ce cadeau raté, c'est la porte-bonheur jamais vue de la plupart. Il fallait frapper pour entrer nulle part. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. La compagnie des auteurs avec cet extrait de l'opéra Au pays d'Alice, Ibrahim Malouf et Oxmo Puccino. Je ne sais pas si vous avez pu assister à la Philharmonie, c'était il y a 2 ans à ce spectacle. On parlait descriptions, Laurence Gasquet avec vous. Peut-être qu'on peut dire un mot aussi sur les métaphores, parce que les métaphores, ce sont des images. Sont-elles présentes en tant que telles dans les textes de Lewis Carroll, ou est-ce qu'au contraire la métaphore ne l'intéresse pas beaucoup? Oui, vous avez tout à fait raison, Mathieu. Les métaphores, c'est un type d'image. Donc, nous avons des images visuelles, des images sensuelles et des images linguistiques. Donc, la métaphore, c'est une image, mais c'est une image qui embête Lewis Carroll parce qu'elle est équivoque. En fait, une métaphore, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a un signifiant, donc un mot, dont la puissance polysémique est telle que on ne sait pas à quel est son référent. Il y a une pluralité de référents possibles. beau, justement. Voilà, c'est la valeur poétique qui éclate. Donc, pour Lewis Carroll, il prend un soin tout particulier dans ses œuvres à éviter ceci. Ça lui fait peur, la polysémie? Je pense que ça lui fait peur, oui, ça lui fait peur. Alors ça lui fait peur, mais en même temps, il sait très bien ce qu'il fait, hein, puisque en fait, son œuvre est là pour nous rappeler que le langage nous échappe. Et donc il célèbre par l'évitement, si vous voulez, hein, cette métaphore qui n'est jamais là, mais qui est là par opposition, par transparence, par absence, si vous voulez. Donc voilà. Donc j'ai oublié votre pardon. C'était sur la métaphore. Oui. Sur le fait que finalement il évite le plus possible la métaphore. Oui. Est-ce que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est-ce qu'il ne ressemble pas un peu à Kafka quand il disait que les métaphores le faisaient désespérer de la littérature et qu'il fallait privilégier le littéral au figuré? Alors, est-ce qu'il était vraiment désespéré de littérature, Lewis Carroll? Je n'en suis pas sûre. À regarder la liste des milliers de volumes qui composaient sa bibliothèque, on pense qu'il lisait à peu près un ouvrage par jour. Il avait, je crois, 5000 ouvrages dans sa bibliothèque. Nous avons la liste très spécifique puisqu'elle a été dûment notée à sa mort. Donc je pense pas qu'il était si désespéré de la métaphore que ça. En revanche, je pense que son souci pédagogique le conduisait à vouloir l'éviter parce qu'elle était source de confusion, tout simplement. Donc toute son œuvre est un évitement de la confusion. Donc je pense que c'est à ce titre-là, si vous voulez, qu'il essaie de nous mettre en garde contre les dangers de la métaphore. Mais évidemment, il en jouit lui-même. Les meilleurs passages d'Alice, c'est quand il y a équivoque, par exemple, Alice qui dit avec son calligramme, la queue de la souris, voilà. Alors, mine is a long and sad tail. Oh, it's very long, but why do you call it sad? Et puis ensuite, elle dit qu'elle en est à la troisième courbe de la queue. Et donc, avec un jeu de mots en anglais qui est perdu en français, qui est not. Hein, donc, vous voyez, la métaphore, elle est toujours là. Et même si elle est évitée d'un point de vue systématique, eh bien, elle peut pas s'empêcher de ressurgir. Et c'est tout le plaisir et le bonheur qu'on a à lire Alice. Est-ce qu'il y a une pensée de l'image chez Lewis Carroll? On sait que les philosophes se sont beaucoup emparés de son œuvre. Est-ce que pour vous, il y a une philosophie de l'image ou une manière de la réfléchir? Alors, je ne sais pas si on pourrait dire une philosophie, c'est peut-être aller trop loin. Je pense en revanche qu'il y a des intuitions. Je pense que Lewis Carroll a ce qu'on appelle une imagination visuelle, une pensée visuelle. Hein. Donc, je pense par exemple aux spécialistes de la pensée visuelle, comme des gens comme Rudolf Arnheim aux États-Unis, etc., qui ont montré que le schéma, si vous voulez, facilitait une inflation du sémantique, c'est-à-dire que on sait qu'une simplification équivaut à quelque chose qui est extrêmement signifiant. Hein. C'est pour ça que, par exemple, dans la vie de tous les jours, le schéma de l'alarme à incendie, il va faire que figurer... Vous montrez de la main. Oui, parce que j'attendais le schéma car de l'alarme à incendie. Car la sécurité est très importante à Radio pas. France. Donc, vous voyez, normalement, c'est à côté des portes, c'est pour ça que je me tournais là-bas. Donc, vous voyez, les bons hommes extrêmement épurés, etc., on a une grande qualité de l'information. Plus l'image, plus le schéma est simple, plus grande est la quantité d'information. Donc, je pense que Carroll était absolument conscient de ça. On le voit dans les Alice, on le voit dans ses autres écrits, on le voit dans ses nombreuses lettres. Il a des remarques dans son journal qui sont tout à fait troublantes. Il parle de photographier de la géométrie. Il dit est-ce qu'on par exemple il y a un moment où il dit il se pose la question de la compréhension de la géométrie euclidienne et il dit mais enfin est-ce que si on fabriquait des maquettes en trois dimensions en fait, alors il n'emploie pas l'expression de trois dimensions, elle est beaucoup trop moderne, mais si je fabriquais des maquettes de ma géométrie euclidienne et que je les photographiais, est-ce que les structures ne serait pas plus prégnante dans l'esprit, etc. Donc, mais ça, c'est de la pédagogie. On retrouve quand même le professeur dans tout ce que vous dites oui, là. Oui, oui, tout à fait. Et y compris d'ailleurs dans les illustrations de ces textes. Oui. Il y a une volonté de facilité, de clarté. Oui. Et en même temps, et c'est ça qui est toujours absolument incroyable, un texte qui est toujours sujet à de multiples interprétations. Il n'y a peut-être pas d'œuvre, il n'y a peut-être pas d'œuvre qui soit aussi interprétée que l'œuvre de Lewis Carroll, alors que lui cherchait précisément la clarté. Oui, c'est le grand paradoxe et c'est la grande victoire de la langue. C'est la grande victoire de la littérature, bien sûr. On a beau essayer de se fixer des règles, de restreindre, de mettre un carcan en fait et un système de règles extrêmement précises, eh bien, la richesse de la langue fait que c'est impossible et que la multiplicité des interprétations est toujours là. À la fin, la beauté pour Lewis Carroll, est-ce qu'elle n'est pas dans ses photographies de petite fille, cette beauté qu'il a recherchée toute sa vie ? Sans doute. Là, on est sur un plan extrêmement personnel, je pense. D'abord, je ne sais plus si on l'a dit, ses photos, il les concevait comme extrêmement personnelles. Il ne voulait pas les montrer, donc c'était lui. Oui. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là, Laurence Gasquet, car on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes professeur à l'université Jean Moulin, Lyon 3, et qu'on vous doit le livre « Lewis Carroll et la persistance de l'image ». C'est aux presses universitaires de Bordeaux, un livre qui date de l'année 2009. Signalons aussi que vous avez co-dirigé l'ouvrage « Alice et les mythologies de l'enfance » aux presses universitaires de Rennes. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Garance Mazelier et Élise Leu. Demain, nous parlerons psychanalyse et logique dans l'œuvre de Lewis Carroll. Et puis, je signale que la revue papier, la revue de France Culture, est disponible en kiosque sous le titre « À quoi bon la littérature ?» Et oui, tout de suite, on retrouve Jacques Bonnafé, « À quoi bon la poésie ?» Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Alors tout le monde est prêt, cette semaine de poésie, on va pleurer. Beaucoup, et chanter, avec Canzoniere de Pétrarque. C'est l'hymne à l'amour. La créature nommée Laure, croisée dans l'église Sainte-Claire du couvent des Clarisses à Avignon. Ça ne s'invente pas. Il a fait ses études à Montpellier et a vécu à Avignon. Elle est mariée, Laure, depuis 2 ans. Amour inatteignable, pour Pétrarque, c'est sa star absolue. Valentina Vargas, Catherine Deneuve, voilà. Pendant 20 ans, 30 ans, il écrit son amour inépuisable, l'a-t-elle seulement su. Laure chez Pétrarque, comme Béatrice chez Dante, qui écrivit 20 ans plus tôt, qui est le premier à diviniser cet amour. Elle, vierge sainte et lui, martyr. Au pied des collines où prit la dame son apparence de beauté terrestre, elle qui souvent arrache au sommeil le visage de larmes ruisselant, nous nous promenions libres à travers cette vie mortelle à laquelle aspire tout animal sans nous douter que nous trouverions en route un ennui funeste. Mais contre l'état de grande misère, loin de notre sérénité, on n'a qu'un seul réconfort et contre le mort, nous venger de qui nous y a réduits, soumis à autrui jusqu'au dernier terme, restant captifs d'une chaîne d'amour. Et malgré tout, oui, il se dit, il faut se venger de l'or, ou de sa soif de l'or. Des larmes amères sur mes joues roulent, sous le souffle angoissant de mes soupirs, dès que je tourne les yeux vers la seule qui peut m'arracher au reste du monde. Certes, le sourire doux de ses yeux peut apaiser l'ardeur de mon désir et me sauver du bûcher du martyr quand je les contemple avec fixité. Ou ailleurs, il se lamente, il souffre, tout seul et pensif, j'arpente les champs déserts de mon pas lent et paresseux, et je veille des yeux à éviter toute empreinte des hommes sur le sable. Se retirer du monde, il y a pensé bien sûr, seul le sonnet l'a sauvé. Si je croyais que la mort pût avoir l'effet sur moi de m'alléger du poids de l'amour, j'aurais moi-même enterré mes membres importuns et mes soucis, mais craignant bien que ce ne soit qu'un simple transfert de pleurs en pleurs, une autre guerre, au-delà du portail qui m'est fermé, je reste à mi-chemin. Dans l'entre-deux, il faudra bien pourtant que l'arc cruel décoche un jour le dernier de ses traits, plongé déjà souvent dans d'autres cœurs. Je prie amour, et avec lui, la sourde qui m'a laissé sans force et sans couleur, et qui oublie de m'appeler près d'elle. Voilà, il faut préciser qu'il était, Pétrarque, très occupé, contrairement aux apparences et aux lamentations. L'excellente présentation de René Tsekati pour Gallimard, Poche, nous en fait écho. Ses voyages, ses ambassades, sa soif de connaissances, son érudition, l'or en aurait été snobé. Et alors, baba. Est-ce que je vois bien ce que je vois? Et ce que je palpe et ce que je touche et ce que j'entends sont-ce des mensonges? Ce que je dis ou lis, la vérité? Jacques Bonafé, merci à vous.